Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space sur les ondes du 100 FM, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, et on attaque immédiatement par les Suicidal Tendencies qui vont vous interpréter Free Your Soul and Save My Mind, ça c'est le titre de l'album, et le morceau c'est Self-Destruct. C'est donc parti, comme d'hab, si vous avez besoin des titres, c'est sur la page de la radio. Allez, go! We'll be right back. J'ai suggéré à Delacroix que Mr. Jingles pourrait aller chez cette tante, celle qui avait envoyé le gros paquet de bonbons. Bien sûr, il ne partirait pas sans sa bobine, ni même sans sa maison. On ferait une collecte pour dédommager toutes de la perte de sa boîte à cigares. Yeah. Non, a dit Delacroix après réflexion. Il en a le temps de lancer au moins 5 fois la bobine, et Mr. Jingles l'a rapporté en la poussant tantôt de la tête, tantôt avec ses pattes. Ça ne marcherait pas. Mr. Jingles était trop remuant pour une vieille dame comme Tante Hermoine, et puis il y avait des chances qu'il lui survive. Que lui arriverait-il alors? Non, non, Tante Hermoine ne pourrait jamais faire l'affaire. Girl. pareille perspective a littéralement fait pâlir d'horreur le Cajun. Quoi, ce rongeur de génie qu'était Mr. Jingles entre les mains d'un gosse? Comment un moutard saurait-il poursuivre le dressage de la souris savante, lui apprendre de nouveaux tours? Et à supposer que ce garnement se désintéresse de Mr. Jingles et l'abandonne sans manger pendant 2 ou 3 jours. Delacroix, qui avait brûlé vive 6 personnes dans le seul but de maquiller son premier crime, a frissonné comme un ami des bêtes auquel on parle de vivisection. Yes, indeed. parfois, au bord de l'eau entourée de bois, nous rencontrions une maison dite de plaisance, isolée, perdue, qui ne voyait rien du monde que la rivière qui baignait ses pieds. Une jeune femme dont le visage pensif et les voiles élégants n'étaient pas de ce pays et qui sans doute était venue, selon l'expression populaire, s'enterrer là, goûter le plaisir amer de sentir que son nom, le nom surtout de celui dont elle n'avait pu garder le cœur, y était inconnu. S'encadrait dans la fenêtre qui ne lui laissait pas regarder plus loin que la barque amarrée près de la porte. We'll be right back. torture mentale, physique, psychose. Torture mentale, physique, névrose. Torture mentale, physique, osmose. Blocage. Service torture, service mental. Service secret, service fasciste. En Sibérie occidentale. Torture mentale, physique, psychose. Torture mentale, physique, névrose. Torture mentale, physique, osmose. La dictature s'est imposée. Les militaires sont au pouvoir. Dans les camps, y'a de bon à voir. Service torture, service nana. Torture mentale, physique, psychose. Torture mentale, physique, névrose. Torture mentale, physique, osmose. What? Elle levait distraitement les yeux en entendant derrière les arbres de la rive la voix des passants dont, avant qu'elle eût aperçu leur visage, elle pouvait être certaine que jamais ils n'avaient connu, ni ne connaîtraient l'infidèle, que rien dans leur passé ne gardait sa marque, que rien dans leur avenir n'aurait l'occasion de la recevoir. On sentait que dans son renoncement, elle avait volontairement quitté des lieux où elle aurait pu du moins apercevoir celui qu'elle aimait pour ceux qui ne l'avaient jamais vu. Et je la regardais revenant de quelques promenades sur un chemin où elle savait qu'il ne passerait pas, ôté de ses mains résignées, de longs gants d'une grâce inutile. Jamais dans la promenade du côté de Guermantes, nous ne pûmes remonter jusqu'aux sources de la Vivonne, auxquelles j'avais souvent pensé et qui avaient pour moi une existence si abstraite, si idéale, que j'avais été aussi surpris quand on m'avait dit qu'elle se trouvait dans le département, à une certaine distance kilométrique de Combray, que le jour où j'avais appris qu'il y avait un autre point précis de la Terre où s'ouvrait dans l'Antiquité l'entrée des enfers. Y si todo es festividad. Jamais non plus nous ne pûmes pousser jusqu'au terme que j'eusse tant souhaité atteindre, jusqu'à Guermantes. Je savais que là résidaient des châtelains, le duc et la duchesse de Guermantes, je savais qu'ils étaient des personnages réels et actuellement existants, mais chaque fois que je pensais à eux, je me les représentais tantôt en tapisserie, comme était la comtesse de Guermantes, dans le couronnement d'Esther de notre église, tantôt de nuances changeantes, comme était Gilbert le Mauvais, dans le vitrail où il passait du vert chou au plus haut bleu prune, selon que j'étais encore à prendre de l'eau bénite ou que j'arrivais à nos chaises, tantôt tout à fait impalpable, comme l'image de Geneviève de Brabant, ancêtre de la famille de Guermantes, que la lanterne magique promenait sur les rideaux de ma chambre ou faisait monter au plafond. Enfin, toujours enveloppé du mystère des temps mérovingiens et baignant dans un coucher de soleil, dans la lumière orangée qui émane de cette syllabe hante. We'll be right back. Mais si, malgré cela, ils étaient pour moi, en tant que duc et duchesse, des êtres réels, bien qu'étranges, en revanche, leur personne ducale se distendait démesurément, s'immatérialisait, pour pouvoir contenir en elle ce guermante dont ils étaient ducs et duchesses. Tout ce côté de guermante ensoleillé, le cours de la Vivonne, ses nymphéas et ses grands arbres, et tant de beaux après-midi. Loose. All right. Je savais qu'il ne portait pas seulement le titre de duc et de duchesse de Guermantes, mais que depuis le XIVe siècle, où après avoir inutilement essayé de vaincre leurs anciens seigneurs, ils s'étaient alliés à eux par des mariages, ils étaient comtes de Combray, les premiers des citoyens de Combray par conséquent, et pourtant les seuls qui n'y habitassent pas. Bible, toss listen to her father. Fathers were liars. Twisted our lovers. Our lovers were not true. We pushed yourself. About the good. sailed through that night and drank champagne with stars. Oh, hang on just a minute, now I'm living someone else's past. Apparently it took us to a bar with toys in it. I hope we had a good time, cause I can't remember shit except for Alvarez, Alvarez, Alvarez. Cal Alvarez, Alvarez, Alvarez. Alvarez, Alvarez, Alvarez. Cal Alvarez, Alvarez, Alvarez. And in the dead of night, in the silence of my room, with the history of the world going round and round in circles, nothing of my best friends or my enemies at all. Nothing but a sense of being hungry and a memory of Carl Alvarez, Alvarez, Alvarez. Alvarez, Alvarez, Alvarez. Comte de Combray, possédant Combray au milieu de leur nom, de leur personne, et sans doute ayant effectivement en eux cette étrange et pieuse tristesse qui était spéciale à Combray. Propriétaire de la ville, mais non d'une maison particulière, demeurant sans doute dehors, dans la rue, entre ciel et terre, comme ce Gilbert de Guermantes, dont je ne voyais aux vitraux de l'abside de Saint-Hilaire que l'envers de l'Ac Noir si je levais la tête quand j'allais chercher du sel chez Camus. We'll be right back. Puis il arriva que sur le côté de Guermantes, je passais parfois devant de petits enclos humides où montaient des grappes de fleurs sombres. Je m'arrêtais, croyant acquérir une notion précieuse, car il me semblait avoir sous les yeux un fragment de cette région fluviatile que je désirais tant connaître depuis que je l'avais vue décrite par un de mes écrivains préférés. Yeah. shit. Thank you. All right. You guys having fun yet? Yeah, so are we. This is called You Lose. It's about people who go fucking stupid on the dance floor, and I don't mean it in a good way. Fin de la première partie de Lost in Space sur le 100 FM. Il est 23h passé de quelques minutes. On vient d'écouter un instant une très bonne reprise de Sham 69. If the kids are united, si les gamins du monde entier ou les ados du monde entier pouvaient se tendre la main, ça serait nettement mieux si l'on en écoute le credo de Sham 69. La version ici réalisée par des punks américains, 7 Seconds. Et donc maintenant, comme depuis plusieurs semaines, la dernière partie de l'émission se consacre soit à un style particulier, soit à un album précis. Et ici, aujourd'hui, nous allons rendre hommage au Berrurier Noir, grand groupe alternatif. Alors, pas les Berruriers Noirs de la fin avec le néon clown et les punks à chiens qui dansent sur scène, mais vraiment le tout début des Berrus, c'est-à-dire un dispositif ultra minimal que l'on pourrait presque par moment comparer à celui des Sleaford Mods que vous avez dû voir le week-end dernier au Pointu Festival. Guitare, boîte à rythme, chant, c'est très simple. Et ici, c'est tiré de la toute première cassette qu'ils ont fait, sortie sur un label français qui s'appelait Visa. On écoute la première face et après on se retrouve la semaine prochaine. Allez, go!